aujourd'hui encore, un quart de siècle après, la plaie n'est pas cicatrisée. Et les 53 minutes supplémentaires que Francis Ford Coppola a ajoutées à son Apocalypse Now en témoignent à leur façon. Le Vietnam hante toujours les esprits américains. Jamais les États-Unis n'avaient mené une aussi longue guerre, une guerre loin du pays, une guerre atroce, dans la boue des rizières, dans la touffeur de la jungle, une sale guerre où des moyens terrifiants ont été utilisés, défoliants, napalm, bombardements massifs, sans compter les exactions de toutes sortes contre les populations civiles. Et si 50 000 militaires américains ont trouvé la mort là-bas, il ne faut jamais oublier que 2 à 3 millions de Vietnamiens ont perdu la vie au cours de cette interminable guerre. Avec M. X, nous avons eu envie de revenir aux sources de ce conflit dans lequel les Américains n'ont cessé de s'enliser. Cette guerre cauchemar sur laquelle ils continuent de s'interroger. Il faut d'abord rappeler, et ce n'est pas le moindre paradoxe de cette histoire, que les États-Unis ont d'abord soutenu ces révolutionnaires vietnamiens qu'ils allaient ensuite combattre avec tant d'opiniâtreté. C'est en effet sous Roosevelt que les services secrets américains ont aidé Ho Chi Minh, par anticolonialisme et avec le dessein clairement exprimé de tout faire pour chasser les Français d'Indochine. Nous en avons parlé ici même avec M. X. Mais quelques années plus tard, tout change. Mao a pris le pouvoir en Chine et bientôt ce sera la guerre de Corée. Pour les Américains, le sort du monde libre se joue dans le sud-est asiatique. Ils vont accepter de participer financièrement et matériellement à l'effort de guerre des Français engagés contre le Viet Minh. Et lorsque nos forces seront acculées dans la cuvette de Dien Bien Phu, on évoquera même de part et d'autre l'utilisation d'une bombe atomique américaine pour mettre fin au conflit. En 1954, courageusement, Pierre Mendès-France signe les accords de Genève. La France va se désengager progressivement. Deux Vietnam sont nés. Au nord, les partisans de Ho Chi Minh. Au sud, ceux de Bao Dai. Mais les accords prévoient que des élections qui devront avoir lieu dans les deux ans permettront de réunifier le pays. Il n'en sera rien. Les accords de Genève sont à peine signés que les États-Unis se posent en tuteur du Vietnam du Sud, promu, ainsi que les autres pays concernés par l'OTAS, l'équivalent de l'OTAN pour le Sud-Est asiatique, comme rempart contre le communisme. Et ce sont les Américains qui deviennent les plus fervents supporters du Premier ministre Ngo Dinh Diem, un dirigeant réputé intègre et violemment anticommuniste. Historiquement, c'est donc d'abord le président Eisenhower qui engage l'Amérique au Vietnam. Mais c'est son successeur, John Kennedy, qui accentuera cet effort et prendra la lourde responsabilité devant l'histoire de contribuer à rendre irrémédiable cet engagement militaire. Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples. Et en particulier, les conditions dans lesquelles le numéro 1, Ngo Dinh Diem, a fini par être éliminé et assassiné. Monsieur X a son idée. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En Indochine, les Américains n'ont pas attendu très longtemps pour prendre notre place. On peut même dire qu'ils ont fait en sorte de nous mettre dehors le plus vite possible. Bon, enfin, après tout, nous n'avions pas grand-chose à dire puisque c'était eux qui avaient déjà payé une grande partie de notre propre guerre d'Indochine. Ouais. Et quels étaient nos intérêts là-bas encore ? Ah ben nous y avions encore des plantations et puis nous pouvions continuer à exercer une influence culturelle, politique ou même militaire puisque nous devions continuer à instruire l'armée vietnamienne. Mais les Américains ne nous ont pas laissé le choix. C'est-à-dire, il fallait déguerpir. Oui, puis laisser la place, c'est à peu près ça. J'ajoute que certains aux États-Unis n'ont pas été fâchés d'assister à notre défaite à Dien Bien Phu. Pourquoi ? Parce que ça allait accélérer notre désengagement, c'est ça ? Oui, ça permettait à Washington de monter en première ligne dans la lutte contre le communisme en Asie. Dans cette affaire, un homme, un Américain, va jouer un très grand rôle, un certain Edward Lansdale. Ouais. C'est l'officier de la SCIA qui a inspiré Graham Greene, son Américain bien tranquille. Hein? Lui-même, ouais. Un sacré personnage. C'est lui qui a aidé les Philippins à se débarrasser d'une rébellion communiste. Et je vous laisse imaginer les moyens qui ont été utilisés par cet homme à poigne. C'est également lui qui sera plus tard chargé de l'opération Mangouste, destinée à déstabiliser Fidel Castro. Quoi, c'est l'histoire de la baie des cochons? Ah non, après le désastreux débarquement de la baie des cochons. Mm-hmm. Mais... À ma connaissance, Mangouste n'obtiendra pas plus de résultats. C'est vrai, puisque Fidel continue à narguer les États-Unis 40 ans après. Mm-hmm. Et au Vietnam, alors, quand Lonsdale intervient-il? Encore tout auréolé de son succès aux Philippines, il arrive en juin 54, avant même que les accords de Genève ne soient signés. Et quelle est alors sa mission, alors? Il vient conseiller les Vietnamiens dans leur lutte contre le communisme. Ah oui, c'est une sorte de spécialiste. Hein. On peut le dire. À noter que cette intervention est encore clandestine, car nous autres, Français, nous sommes encore là. Enfin, ça permet à Lonsdale d'étudier la situation, de prendre contact avec les personnages vietnamiens les plus importants. Et il fait nul doute que c'est lui qui va imposer Ngo Dinh Diem au poste de Premier ministre des Bao Dai. Mmh. Parce que Diem est lui aussi farouchement anti-communiste. Naturellement. Alors, peut-être un mot de ce Diem avant de poursuivre. Volontiers. Il est né au début du siècle dans une famille de mandarins convertis au catholicisme. Alors, plutôt pro-français. Pas du tout. Ah bon. Ce sont au contraire des nationalistes monarchistes et hostiles tout à la fois aux colonialistes et aux révolutionnaires d'obédience communiste. Mais chez Diem, c'est la dimension religieuse qui est essentielle. C'est un dévot. Et lors d'un séjour aux États-Unis, où il a d'ailleurs rencontré de nombreuses personnalités américaines influentes, il a même failli se sortir dans un séminaire. Mais est-ce que son passé le destinait à exercer un rôle politique aussi important? Dans les années 30, il avait déjà exercé les fonctions de ministre de l'Intérieur de l'empereur Bao Dai. D'accord. Et c'est donc cet homme austère, hein, que les Américains veulent imposer. Et que Lonsdale a choisi, oui, Bao Dai, qui résidait rarement au Vietnam, n'a pas pu refuser. Ouais. Il a été mis devant le fait accompli. Oui. Mais en ce qui concerne Diem, je voudrais insister sur un autre point très important. Je vous écoute. Il faut que je parle de sa famille, de son clan. Car avec Diem, ce sont aussi ses frères qui arrivent au pouvoir. Et ses frères, alors, qui sont-ils? Ils sont trois. Nu, Tuc et Khan. Ce dernier est un petit seigneur autoritaire qui appliquera avec zèle la politique de son frère Diem. Tuc, lui, est évêque. Il deviendra d'ailleurs archevêque sous le règne de Diem. Quant à Nu, le plus intéressant de la bande, c'est un intellectuel qui va fonder un parti ultranationaliste et secret, le Khaon Lao. Un parti qui donnera naissance à une véritable police secrète aux méthodes redoutables et redoutées. Ouais. Et ces trois frères auront une grande influence sur Diem? Incontestablement. Et puis il y aura aussi une quatrième personne qui jouera un rôle essentiel et nuisible. Madame Nu, la jolie femme de Nu. Par son luxe ostentatoire, ses déclarations à l'emporte-pièce et ses multiples provocations, elle va marquer profondément le régime de son beau-frère. Vous avez fini, là, avec le portrait de famille? Oui, enfin, passons sur les premiers mois du gouvernement de Diem. Des premiers mois agités, car le nouveau Premier ministre doit faire face à de nombreuses rivalités et oppositions. Dans l'armée et à l'intérieur des nombreuses sectes qui pullulent au Vietnam. Oui, mais il a les États-Unis derrière lui. Exactement. Et là, je dois vous faire une petite confidence. En France, nous n'aurions pas été fâchés d'éliminer Diem. Parce qu'il était trop lié aux Américains. Et qu'il était anti-français. Nous avons bien essayé de donner un petit coup de main à ses opposants, mais nous n'étions pas de taille. Et puis surtout, nous étions infiniment moins riches. Ouais, moins riches que les Américains. Échec, donc. Et un an plus tard, toujours grâce à Lonsdale, Diem parvient à évincer Bao Dai et se fait élire président de la République du Vietnam. À la suite de véritables élections? Étant donné le résultat, c'est un véritable plébiscite pour Diem. Plus de 98%, on peut en douter. Avec son clan, il va imposer un pouvoir quasi dictatorial. Les Américains ont donc désormais gagné. Et peu de temps après, les dernières troupes françaises quittent ce qui a été si longtemps pour nous l'Indochine. Mmh. Jusque-là, quel a été vraiment l'engagement militaire américain au Sud-Vietnam? Ce sont essentiellement des conseillers militaires qui ont été envoyés. Il faut dire que les accords de Genève limitaient la présence de militaires étrangers sur le sol du Sud-Vietnam. Mais par ailleurs, les États-Unis aidaient massivement le pouvoir en place. Aidaient, c'est-à-dire économiquement? Oui, en envoyant du matériel militaire. C'était des centaines de millions de dollars qui étaient ainsi donnés chaque année à Diem et à son administration. Mmh. La pression communiste l'imposait? Les troubles n'avaient pas cessé avec la partition du Vietnam. Des groupes armés communistes ou d'inspiration communiste continuaient à harceler les troupes gouvernementales en plusieurs endroits du pays. Avec le soutien du Nord? Un soutien très discret. Les Vietnamiens du Nord doivent d'abord digérer leur victoire et résoudre les nombreuses difficultés qui se posent à eux. Et puis dans un premier temps, ils espèrent encore que les accords de Genève seront appliqués. Ouais, donc que des élections générales pourront aboutir à la réunification. Oui, mais enfin, pour Diem et les Américains, il n'en est pas question. La frontière qui court le long du fameux 17e parallèle doit demeurer intangible. Et peu à peu, pour les communistes du Nord comme pour ceux du Sud, la lutte armée va apparaître comme inéluctable. L'engrenage. Oui. Et la guérilla, une forme de guerre pour laquelle les Américains n'étaient pas préparés et qui allait leur coûter très cher. Mais ils faisaient encore confiance à leur ami Diem, l'inflexible Ngo Dinh Diem. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Philippe Franchini a publié une somme aux éditions Pygmalion, Les guerres d'Indochine. Dans le deuxième tome, j'extrais ce portrait de Diem. D'apparence, l'homme n'est guère convaincant. Il n'a pas la prestance ni l'allure moderne d'un Baoda et non plus que la vivacité énergique et le faciès carré d'un Nguyen Van Tham. En vêtements européens, il a toujours l'air d'être habillé de la robe traditionnelle cisaillante aux rondeurs. Sa poignée de main est molle. Bref, pour un regard occidental, il ne paye pas de mine. Pourtant, Ngo Dinh Diem est moins rond qu'il n'en donne l'impression. La douceur de ses traits est démentie par un regard aux éclairs durs et une bouche que pince l'obstination ou la colère retenue. Il ne convient pas non plus de se fier à sa manière de donner la main, le geste n'étant pas dans les mœurs de l'Asie. En fait, son tempérament est celui d'un autoritaire irascible qui sait se maîtriser et d'un entêté peu accessible au conseil. Sa vie est faite de longues éclipses volontaires, de manifestations brèves et nettes qui lui ont forgé une réputation de patriote ombrageux, doté de penchants messianiques. Plus loin, Franchini ajoute, vietnamien du centre, Ngo Dinh Diem, est à coup sûr aussi difficile à séduire qu'à persuader, aussi foncièrement secret dans ses intentions que constant dans sa volonté de les mener à terme. Sa fidélité à la monarchie explique ses relations continues avec Bao Dai, dont il n'approuve pas toujours les options, et condamne en tout cas la conduite personnelle. Son catholicisme rigoureux, quelque peu fanatique, s'entoure d'autre part d'une morale faite de respect et d'obéissance à l'autorité qui s'intègre parfaitement au vieux fond confucéen de son éducation. C'est donc par devoir à la fois patriotique et chrétien qu'il a accepté la charge de gouverner à un moment dramatique et crucial, et c'est pour le remplir avec plénitude qu'il a exigé de détenir tous les pouvoirs civils et militaires. C'est à partir de 1958 et malgré une répression féroce des menées communistes que la lutte armée s'intensifie au sud. Alors, c'est donc là la deuxième guerre d'Indochine qui commence. Et d'une façon sournoise, presque discrète. Pourquoi discrète? Qu'est-ce que vous voulez dire? L'opinion internationale ne prend pas encore la mesure de l'événement. Et il faut attendre 1959 et la mort des deux premiers militaires américains pour enfin commencer à comprendre. Ça signifie que les Américains sont maintenant vraiment engagés aux côtés des troupes sud-vietnamiennes. Oui et non. Officiellement sur le terrain, les Américains agissent en tant que conseillers. Mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus impliqués. Et les Nord-Vietnamiens? Bien, après une période d'expectative, ils vont franchir un pas important en infiltrant des troupes et du matériel au sud du 17e parallèle. Grâce à ce qu'on va appeler la piste Ho Chi Minh. C'est cela. En fait, il n'y avait pas qu'une piste, mais plusieurs voies dissimulées sous la jungle, certaines s'égarant même au Laos ou au Cambodge voisin. Et cela sur une longueur de 1000 km où les partisans et les soldats vietnamiens transporter des charges écrasantes sur leur dos, accrochées à des bicyclettes. Mais est-ce que c'est vraiment le Vietnam du Nord qui dirige cette guérilla? On ne peut pas dire les choses comme ça. Certes, Hanoï va intervenir de plus en plus massivement, mais au Sud, il existe des réseaux communistes ou pro-communistes qui n'ont jamais disparu depuis la colonisation française. Et ça, malgré la répression. Et organisés au sein d'un Front de Libération Nationale, le FLN, ces réseaux vont peu à peu grossir et finir par contrôler des parties entières du pays. Contrôler militairement? Et politiquement. Les Vietcong, comme on les appelle, c'est-à-dire les communistes vietnamiens, sont très populaires. Non seulement à la campagne, mais aussi dans les villes et jusque dans les hautes sphères où ils ont introduit des espions. Ouais. Et en face, du côté de Diem, comment réagit-on alors? Face à la dégradation progressive de la situation, la multiplication des attentats et des actes de terrorisme, Diem n'a pas le choix. il réplique par la force. Ouais, d'autant qu'il doit y être poussé par les Américains. Évidemment. Il fait arrêter tous ses opposants, même ceux qui sont loin d'être communistes. Il muselle l'opinion, il épure. Ouais, c'est la dictature. Oui, hein. Le régime, au fil des mois et des années, devient de plus en plus tyrannique et impopulaire. Pour l'opinion vietnamienne, il est clair que c'est le clan catholique du président qui met en coupe réglée le pays grâce à son armée et à sa police secrète. Un clan par ailleurs corrompu. Hein. Les millions de dollars versés par les Américains sont détournés et encouragent tous les trafics. Diem lui-même, est-il corrompu ? Je ne le pense pas. Enfin, il ferme les yeux sur les activités frauduleuses des siens, parce qu'il a besoin d'eux, et parce que son assise politique se rétrécit dangereusement. Mais les Américains doivent bien se rendre compte de cette évolution. Naturellement, et ils pressent Diem de procéder à des réformes. La réforme agraire en particulier, parce que c'est la masse paysanne qui est la plus perméable à l'idéologie Viet Cong. La grande idée, c'est de regrouper les terres et les villages afin d'améliorer les méthodes de production. Mais cette réforme va très vite être abandonnée. Pourquoi cet échec, hein ? Parce que cette réforme répond d'abord à des préoccupations de sécurité. Et en regroupant les villageois, on veut mieux les surveiller. Ouais, et donc les éloigner de l'influence des communistes. C'est cela, oui. Et en même temps, on fait fi de l'organisation traditionnelle des villages vietnamiens et de l'attachement des paysans à leurs terres. Et puis, il faut aussi tenir compte de la corruption ambiante, hein, la construction des nouveaux bâtiments, la redistribution des terres, qui donne lieu à de nombreux trafics. Mmh. Diem est donc contraint de faire marche arrière. Oui, mais il reviendra un peu plus tard sur cette idée en créant des hameaux stratégiques. Hein. C'est-à-dire des hameaux défensifs destinés à faire pièce à la guérilla. Mais là encore, le résultat sera de soulever les paysans contre le gouvernement et donc d'accroître encore un peu plus l'influence du Viet Cong. Mmh. Je reviens à ma question, là. Les Américains, dans ces conditions, peuvent-ils continuer à soutenir un régime aussi impopulaire ? Bah, eux non plus n'ont pas le choix. Hein. Vous connaissez la théorie des dominos. Oui, c'est la théorie d'Eisenhower. Oui, c'est ça. Si un seul domino anticommuniste tombe dans le sud-est asiatique, tous les autres s'écrouleront en cascade. Par conséquent, ils s'estiment obligés de soutenir le régime sud-vietnamien, aussi corrompu et détestable soit-il. Il y a un dirigeant américain, je ne sais plus qui a très bien résumé ça en lançant cette formule. D'accord, Diem est un salopard, mais c'est notre salopard. Ça n'est pas très clair. Mais... est-ce que l'arrivée de Kennedy à la Maison-Blanche, il est élu en 60, donc il va commencer à prendre le pouvoir en 61, est-ce que cette arrivée va changer quelque chose ? Non, pas tout de suite. D'abord parce que le nouveau président américain n'est pas moins anticommuniste que son prédécesseur, Eisenhower. Il croit lui aussi à la théorie des dominos. Oui, dès sa prise de pouvoir, il affirme que le Sud-Vietnam est une pièce essentielle dans le dispositif défensif du monde libre en Asie. Et puis, Kennedy, ne l'oublions pas, c'est un catholique, comme Diem. Ouais, les deux hommes se connaissent ? Effectivement, c'est le cardinal Spellman qui les a présentés lorsque Diem est venu aux États-Unis avant de devenir Premier ministre. Et Kennedy a été incontestablement séduit par le personnage. Il est donc décidé à le soutenir. Oui, d'autant que tous les spécialistes, et en particulier les gens de la CIA, lui affirment que Diem est le seul homme capable de résister aux communistes. Et ça va pousser Kennedy à s'engager encore un peu plus. Militairement. En effet. Il va même créer une unité spéciale, les Bérets Verts, pour contrer la guerre subversive du Viet Cong. Mais ce qui compte le plus, c'est que sous Kennedy... on va assister à une augmentation constante du contingent américain au Vietnam. En novembre 63, lorsque Kennedy sera assassiné, il y aura déjà 16 000 GI là-bas. Ouais. Mais ils seront 500 000 à la fin de la guerre en 75. Vous avez raison. Ouais. Mais c'est Kennedy qui a franchi le pas décisif, il ne faut jamais l'oublier. Et surtout, c'est sous son règne qu'on va mettre fin à la fiction des conseillers militaires. Ouais, c'est-à-dire que les GI vont réellement combattre. Bon, au départ, ils sont autorisés à se défendre s'ils sont attaqués. Mais la guerre prenant de l'ampleur et les soldats américains étant de plus en plus nombreux à tomber, il est évident que les troupes US vont passer à l'offensive aux côtés de l'armée sud-vietnamienne. C'est le piège. Oui, le piège. Car les Vietnamiens demandent toujours plus d'aide à leur puissant allié. Conséquence, la tutelle américaine devient de plus en plus pesante et renforce les réactions nationalistes. Et les États-Unis vont finir par se retrouver dans une situation de guerre coloniale. Comme la France l'était quelques années plus tôt. Exactement. D'autant qu'il se heurte à l'inertie, ou même parfois à l'hostilité du clan de Diem, qui ne veut pas ou ne peut pas transformer le pays, ou améliorer la situation des populations, ou encore démocratiser le régime. Et inévitablement va se poser un jour la question même de la présence de Diem à la tête de la République du Vietnam. C'est-à-dire que les Américains vont songer à le remplacer ? Et pourquoi pas ? Si Diem s'avère ne plus être en mesure d'être le dirigeant capable de sauver le domino sud-vietnamien, il faudra bien se résoudre à s'en débarrasser. Mais par qui le remplacer ? Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. William Colby a été longtemps le chef de la station de la CIA au Vietnam. Il a publié en 1992 chez Perrin une histoire secrète d'une victoire perdue à propos de son expérience vietnamienne. Il révèle que, très tôt, dès septembre 1960, certains dirigeants américains envisageaient déjà le départ de Diem. Et de citer un extrait d'un télégramme de l'ambassadeur américain Durbrow. Les États-Unis devraient pour l'instant soutenir Diem parce qu'il est le meilleur leader vietnamien disponible, mais admettre également que l'objectif primordial de l'Amérique est d'établir un gouvernement vietnamien fortement anticommuniste, capable de rallier le soutien loyal et enthousiaste de la plus grande quantité possible de fractions de la population vietnamienne et aussi capable de soutenir un combat efficace contre les guérillas communistes. Si, en raison de son incapacité à adopter les mesures politiques, psychologiques, économiques et de sécurité appropriées, la situation de Diem dans le pays continuait à se détériorer, il se pourrait que le gouvernement américain doive envisager d'autres voies et d'autres dirigeants pour atteindre son objectif. Mais il faudra encore attendre 3 ans avant que ne soit mis fin à l'expérience Diem. Et ce sont les bouddhistes qui vont précipiter sa chute, même si, pour M. X, des raisons plus obscures sont intervenues. Il est évident que le caractère autocratique, autoritaire et répressif du régime Diem embarrassait de plus en plus l'administration américaine. Ouais, c'est vrai que le jeune et libéral JFK, soutenant un dictateur, ça pouvait surprendre. Et ça commençait à passer très mal dans l'opinion américaine. Ouais. Kennedy a donc décidé d'éliminer Diem. Ah, attendez, c'est pas aussi simple que ça. Parce que Kennedy, en fait, était tiraillé. Il avait autour de lui, en particulier du côté de l'armée et de la CIA, des gens persuadés qu'il fallait coûte que coûte soutenir Diem et accroître dans des proportions considérables l'aide militaire. Mais il y en avait d'autres qui pensaient qu'il fallait au plus vite se débarrasser de Diem. Et d'abord pour l'image de Kennedy, non ? Bien entendu, Kennedy qui envisageait déjà un deuxième mandat présidentiel. Et qui était cela, non ? Des politiques, ses conseillers les plus proches. Et vers qui, alors, penchait le président américain ? Ça n'était pas très clair. En fait, quitte à écorner une fois de plus la légende Kennedy, il faut bien dire que dans cette affaire, l'homme de la Maison-Blanche a fait preuve pendant longtemps d'une étonnante indécision. Bon, enfin, n'allons pas trop vite. En réalité, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est la révolte des bouddhistes en 1963. Ouais, les bonzes qui vont s'immoler par le feu. Oui, vous vous souvenez comme moi des images terribles de ces hommes qui se sont fait brûler en pleine rue. Et que s'était-il passé pour que ces religions viennent là, alors ? Eh bien, tout avait commencé par une formidable erreur de Diem. En mai, à Hue, les bouddhistes, comme tous les ans, entendent célébrer la naissance de Bouddha. Mais le gouvernement leur interdit d'arborer leur bannière traditionnelle. Pour quelle raison, ça ? C'est une vengeance mesquine du clan Diem qui sait que les dirigeants bouddhistes ne leur sont guère favorables. Et Hue, c'est le fief du frère de Diem, l'évêque Ngo Dinh Thuc. Or, justement, quelques jours plus tôt, à l'occasion de l'anniversaire de l'ordination de ce dernier, les catholiques de la ville ont été autorisés à défiler avec leur propre bannière. Deux poids, deux mesures. Évidemment. Les bouddhistes s'estiment victimes d'une injustice. Et ils décident de manifester. La police tire, il y a des morts. Et immédiatement, dans tout le pays, la colère gronde. Au mois de juin, un bonze s'immole par le feu à un carrefour de Saïgon sous les objectifs de journalistes américains. Tout a été très vite. Excessivement, oui. Et la situation va pas cesser de se tendre. Car Diem n'est pas décidé à céder aux bouddhistes qui réclament l'égalité avec les catholiques. Et tandis que Madame Nu, la belle-sœur de Diem, se vautre dans l'ignominie en parlant de barbecue, de moignon, le Premier ministre va lancer ses forces spéciales dans tout le pays contre les bouddhistes. Des rafles Oui, des rafles dans les pagodes et des centaines d'arrestations de bonzes. Et cela à un moment où, sur le terrain de la guerre, malgré l'intervention américaine toujours plus importante, la situation empire. C'est même si préoccupant que le gouvernement américain envisage déjà de s'attaquer au Vietnam du Nord pour tenter de mettre fin à la guerre. Est-ce que cette dégradation considérable de la situation oblige le président Kennedy à enfin se déterminer ? À propos de l'attitude à adopter vis-à-vis de Diem ? Ben oui. Certainement. JFK va être enfin obligé de prendre position, c'est ce qu'espèrent tous ses conseillers. D'autant que l'opinion américaine est horrifiée par ces images de bonzes brûlant en pleine rue. Et puis les déclarations de cette peste de Madame Nu n'arrangent pas les choses. Alors Kennedy est harcelé par les pros et les anti-Diem. Ouais, parce qu'il y a toujours des gens proches de la Maison-Blanche qui en tiennent pour Diem. Pour une raison, essentiellement. non pas par sympathie, mais parce qu'il ne voit pas qui pourrait continuer le combat anticommuniste à sa place. Non pas tout à fait tort. Si, pense-t-il, nous nous débarrassons du seul homme fort du pays, nous, les Américains, nous allons être obligés de prendre à bras-le-corps la conduite de la guerre. Une guerre qui deviendrait donc américano-vietnamienne. Exactement, les GI seront alors directement impliqués. Et c'est bien ce qui finira par arriver. Donc les pro-diem craignent aussi l'américanisation de la guerre. Mais il ne se trouve vraiment aucun homme politique vietnamien susceptible de succéder à Diem ? Des dirigeants à poigne aussi résolument anticommunistes, non. Mais il existe, c'est vrai, quelques généraux qui sont prêts à l'aventure. Ouais, prêts à organiser un putsch. Oui, c'est naturellement, ça. La CIA est informée de leur projet. Est-ce qu'elle les encourage ? Pour l'instant, non. Je vous ai dit qu'à la CIA, où Lansdale avait une grosse influence, on était plutôt pour Diem. Mais la centrale américaine pouvait avoir plusieurs fers sur le feu, et ses généraux fondeurs ne devaient pas être négligés. Oui, Conan, un agent spécial de la CIA, un vétéran de l'Indochine, les suivait particulièrement. Mais Kennedy, c'était lui, en tout cas, toujours pas décidé. Non, et en août 63, le président américain se défausse avec un certain cynisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il nomme un nouvel ambassadeur à Saïgon, un républicain, Henry Cabot Lodge. Républicain alors que JFK, lui, est démocrate. Or, Cabot Lodge, nul ne l'ignore, est hostile à Diem et à son clan. Alors, que cherche Kennedy ? Il veut que Cabot Lodge, le républicain, assume la responsabilité de la chute de Diem à sa place ? En tout cas, il s'en remet entièrement à son ambassadeur. À lui d'évaluer la situation sur place, à lui d'obtenir l'impossible, c'est-à-dire de faire en sorte, par exemple, que l'inflexible Diem se sépare de son clan. Nu et les autres. Nu, surtout, et son impossible épouse qui personnifie tous deux la corruption du régime. Et si Diem refuse alors ? Alors, il faudra bien user de méthodes plus expéditives. Ouais. Mais Diem doit bien se rendre compte que le filet se resserre autour de lui. Hein. Bien évidemment. Mm. Lui aussi, à ses espions, il a compris que la nomination de Henry Cabot Lodge signifiait que les États-Unis étaient tout prêts à lâcher. Mais que peut-il faire ? Eh bien, on touche là à un des aspects les plus mystérieux de cette affaire. Enfin, le moins connu aussi. Et là, je peux vous révéler que nous y avons joué un rôle non négligeable. Les Français, les services français, vous voulez dire ? Tout à fait. Malgré l'américanisation forcenée du Vietnam du Sud, nous avions gardé beaucoup de contacts là-bas. Et nous avons décidé de jouer notre carte. Ouais. Avec l'assentiment du gouvernement français ? Bien sûr. Ouais. Alors de quoi s'est-il agi ? Eh bien, d'œuvrer en faveur de la neutralisation du Sud-Vietnam. C'était la solution proposée par le général de Gaulle. Il n'a pas été trop difficile de convaincre Diem, qui se sentait de plus en plus menacé, que seule cette solution pouvait le sauver. Mais il y avait une condition. Laquelle ? Il fallait que Diem accepte de discuter avec les Vietnamiens du Nord. Et lui, le farouche anticommuniste ? Oui. Mais Diem, il faut le rappeler, était au moins aussi anticommuniste que nationaliste. Et il supportait de plus en plus mal la tutelle américaine. Par conséquent, il a accepté la proposition française ? Ça, je vous l'affirme. Mais des négociations secrètes ont été engagées entre le Nord et le Sud via des émissaires français et d'Europe de l'Est. Ouais. Et des négociations sur la neutralisation du Sud-Vietnam, hein ? Oui. Mais malheureusement, il y a eu une fuite et les Américains ont été informés qu'ils se tramaient quelque chose. Pour eux, il n'y avait pas de différence entre neutralisme et communiste. Donc, il fallait faire échouer ce plan au plus vite. Un plan qui se traduirait par le départ des Américains du Vietnam. Et pour éviter ça, il fallait en passer par l'élimination immédiate de Diem. Alors, selon vous, c'est ça qui a décidé Washington à agir ? C'est certain. Et les choses n'ont pas traîné. Conan, cet agent de la CIA qui veillait sur les généraux fondeurs, leur a donné le feu vert. C'est ainsi que le gros mine, comme on l'appelait, est passé à l'action au début novembre 63 avec quelques autres généraux. Un putsch, quoi. Un putsch, oui, organisé avec l'assentiment et le soutien de la CIA et de l'ambassadeur américain Henry Cabot Lodge. Et qu'est devenu Diem ? Avec son frère Nu, il avait réussi à se réfugier chez un ami chinois. Et quand il a compris qu'il était vaincu et que même ses troupes les plus fidèles lui faisaient défaut, il a pris contact avec les insurgés. Ces derniers ont envoyé aux deux frères un blindé pour les convoyer en toute sécurité. Mais les militaires chargés de les ramener les ont froidement exécutés au cours du trajet. Un double assassinat. Oui, même si on a d'abord prétendu qu'il s'était suicidé. Mais ces deux morts étaient programmées. Diem et son frère ne devaient pas s'en sortir vivants. Il n'était pas question de leur offrir la publicité d'un procès. Alors c'est donc Kennedy... Ça me paraît évident. Kennedy qui, en décidant, après avoir tant hésité d'éliminer Diem et sa clique, va engager durablement les USA au Vietnam. Car il ne se trouvera plus un seul dirigeant sud-vietnamien suffisamment déterminé pour mener efficacement la lutte contre le Viet Cong. Conséquence, ce sont les Américains qui devront désormais monter en première ligne. Jusqu'en 75. Hein. Oui, quant à Kennedy, vous le savez, il ne survivra que 3 semaines à Ngo Dinh Diem. Et la terrible Madame Nu y verra naturellement une forme de vengeance divine. Peut-on ajoutait foi aux allégations de M. X sur l'existence de ces pourparlers entre les deux Vietnam. À ma connaissance, seul le journaliste Seymour Hersh y fait clairement allusion dans son livre sur la face cachée du clan Kennedy, paru en 1998 aux éditions de l'Archipel, je le cite. Plusieurs responsables américains impliqués à l'automne 1963 dans la définition de la politique vietnamienne m'ont confirmé que les services de renseignement étaient au courant des pourparlers nord-sud, mais ils avaient de ceci des opinions divergentes. Richard R. Smizer, du département d'État, qui arriva au Vietnam au début de l'année suivante, m'a expliqué que d'après lui, si les États-Unis avaient soutenu le coup d'État, c'était parce que Diem essayait de conclure un accord et de créer au Sud-Vietnam un régime neutraliste. Autre confirmation, toujours d'après Seymour Hersh. Le 18 septembre, paru dans le Washington Post, l'unique article consacré par la presse américaine au pourparlers entre les deux Vietnam. Joseph Alsop s'en prenait violemment aux Français et à leurs manœuvres en coulisses avec Ho Chi Minh et Ngo Dinh Diem. À samedi prochain, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les renseignements bibliographiques sur cette émission sur franceinter.com, un site qui vous permet aussi d'écouter à nouveau cette émission.